m'invites, hein. On vend du shit, on vend des hits, hein. Bimbo, tu roules des mécaniques. Tu crois que je bande, mais tu sens l'automatique, hein. 20 bouteilles à 6 ans moins 10, hein. Je les bois ou bien on fait un bowling, hein. Si t'es là, c'est parce que t'es joli, hein. Si t'es là, c'est parce que t'es joli, hein. B8 bourré en zone dans la ville entière. Dans mon avion, en mode avion, MJ Pierre en bas derrière. Mon train lui, jour et nuit, attire la brigade financière. Jour et nuit, tu racontes ma vie, vu que t'as rien à faire.